La Corée a révisé la loi sur les ressources du sous-sol. 10 articles, y compris les 3e et 4e. On a ainsi la garantie juridique pour informatiser la prospection et trouver davantage de ressources abondantes du sous-sol, ce qui permettra de développer rapidement l'économie nationale et d'accélérer l'édification d'une puissance économique socialiste.